So I'd like to continue approximately where I left off yesterday. So we were talking about first the procedures that a meditator does to take up sila, so talking about adi-sila. And I began to talk about adi-cheta, taking up the training to develop special consciousness. And I explained that I think the last part of what I said was that when mindfulness meditation is applied consistently and continuously in a retreat, for example, the mind becomes pure and peaceful as a result of continual mindfulness. Donc je vais poursuivre l'enseignement là où je l'ai laissé hier. Donc hier, on avait passé en revue les procédures que doit mettre en place le méditant dans sa méditation. On avait vu la première de ces trois procédures, adi-sila, et on était occupé avec la deuxième, adi-citta, c'est-à-dire l'effort pour développer une conscience plus élevée. Lorsque la méditation de l'attention est appliquée de façon continue, l'esprit devient pur et paisible. Et à ce moment-là, il y a une forme de phénomène merveilleux, étrange, qui peuvent se produire chez le méditant, y compris voir des lumières. Sayadaw Utthitsana parle d'étincelles. Le Bouddha a déclaré dans un sutta que l'esprit était naturellement lumineux. Pabha saramidam bhikkhave chitam tenchako agantukehi upakilesehi upakilitam. Il est naturellement brillant, mais il est contaminé par des pollutions mentales temporaires, comme par exemple la colère, la haine, l'avidité, la distraction, l'agitation, etc. Donc, dans le meilleur des cas, ce n'est que de la distraction, mais parfois c'est bien pire que la distraction. Et en raison de cette oscillation constante de l'esprit, des états mentaux impurs qui viennent l'habiter, l'esprit naturellement brillant perd sa brillance, perd sa luminosité. Le Bouddha a aussi déclaré: Tam asuttava putujano yata bhutam na pajanati. Pour ceux qui n'ont pas le développement mental, il est impossible de voir ces étincelles, de voir cette luminosité. Donc la plupart des gens ordinaires, la plupart des gens dans le monde n'ont aucune chance de rencontrer l'enseignement du Bouddha et n'ont pas non plus d'entraînement mental. Pour les gens qui n'ont jamais pratiqué, il est impossible de voir la nature de l'esprit. Mais même pour les méditants, afin de parvenir à voir la nature de l'esprit, il faut que deux conditions soient présentes. Il faut d'abord atteindre un certain niveau de concentration, et ensuite il faut un certain degré de pureté de l'esprit. Donc il faut atteindre un certain niveau de concentration et il faut que cette concentration perdure un certain temps. Et ensuite, il faut avoir éliminé de l'esprit les états mentaux négatifs aussi pendant une durée assez longue. Donc c'est difficile en fait, même pour ceux qui ont la chance de pratiquer l'enseignement du Bouddha et de suivre un entraînement mental, c'est difficile. Il faut fournir un effort suffisant. Et alors, une fois que cet effort a été fourni, Obhasa, c'est-à-dire la lumière en pali, peut apparaître, et avec elle, 19 autres phénomènes fantastiques, merveilleux, sont susceptibles d'apparaître. Lorsque j'ai lu l'enseignement de Sayadaw l'année passée, j'étais pas sûr de ce que Sayadaw voulait dire en utilisant le mot étincelle. Parce que d'habitude, dans les écritures, on parle plutôt de lumière, obhasa. Les méditants font l'expérience de ces lumières de façon différente. Certains ne les voient qu'un bref instant. D'autres les voient quand ils notent leurs sensations et quand leurs sensations disparaissent. D'autres encore, par exemple des pratiquants très avancés qui ont pratiqué des années seuls dans la forêt, peuvent remplir l'espace mental avec leur lumière. Par exemple, ils peuvent remplir une pièce entière de lumière avec de la lumière qui émane de leur corps. Ces lumières sont un sous-produit de la concentration. Avec une pratique continue et avec la pureté de l'esprit, ces phénomènes peuvent se produire. On dit aussi qu'avec un esprit pur, le sang, à son tour, se purifie. Le sang devient pur. Et donc ces lumières sont aussi le résultat d'un esprit pur et aussi d'un sang qui est purifié. Quoi qu'il arrive, donc, si des lumières apparaissent dans la méditation, c'est un signe de la pureté de l'esprit. Donc il faudrait comprendre qu'il y a deux types de conscience, deux catégories. D'abord les consciences ordinaires, on dit simplement citta, et puis les consciences spéciales ou extraordinaires, on dit adicitta. Donc la conscience ordinaire, elle reste dans son état naturel. C'est l'esprit dans son état naturel. Un esprit qui n'a suivi aucun entraînement. La conscience spéciale, la deuxième catégorie, adicitta, se subdivise à son tour en deux catégories. Nous devrions comprendre cela. De cette façon, nous apprécierons le travail que nous faisons avec la méditation de l'attention. Donc la première de ces sous-catégories, c'est l'absorption, la conscience d'absorption. De jhana. Il y a 8 jhanas, 4 jhanas matériels et 4 jhanas immatériels. Upavachara jhana, les jhanas du domaine matériel, et arupavachara jhana, les jhanas du domaine immatériel. Donc ces 8 types de conscience sont aussi appelés mahagata citta. Maha, ça veut dire grand ou d'un stade avancé. Gata, c'est ceux qui atteignent. Et citta, donc la conscience. Donc ces consciences qui atteignent un état pur. La seconde catégorie est associée pour l'essentiel avec la pratique de vipassana. La seconde catégorie de adicitta est le résultat de la pratique de vipassana, pour l'essentiel. Ceux qui pratiquent samatha, la méditation de samatha, atteignent en général les 8 jhanas. Si on pratique samatha, on peut atteindre chacun des 8 jhanas, donc qui appartiennent à la première sous-catégorie de citta. Et quand on pratique vipassana, on atteint les connaissances vipassana et aussi les consciences, les 4 consciences du chemin et les 4 consciences du fruit. Le méditant vipassana peut lui aussi réaliser des absorptions selon son degré d'effort et selon l'équilibre entre les facultés de l'effort et les autres facultés. Donc, pour résumer, il y a 2 types de adicitta, de conscience spéciale. La première est associée à la pratique de samatha, et est le résultat de la pratique de samatha. La seconde est associée à vipassana et est le résultat de la pratique de vipassana. Ces deux types de pratiques sont légèrement différentes. Donc la première, samatha, ne peut pas mener à la réalisation de nibbana, du chemin et du fruit, ou à la vision pénétrante, aux connaissances de la vision pénétrante. Par contre, la pratique de vipassana peut y mener, si la pratique de vipassana est suffisamment mûre. Donc la première catégorie de adicitta reste du domaine mondain et elle peut servir de fondement pour la pratique de vipassana si on souhaite atteindre la libération et les connaissances de la vision pénétrante. Alors, en revanche, la pratique de vipassana peut mener directement aux connaissances de la vision pénétrante et à l'atteinte de Nibbana et du chemin et du fruit. Ce sont donc quelques différences entre ces deux pratiques. Je vais passer maintenant à la troisième procédure, Adipanya Sika Pamadana. Donc, j'ai déjà un peu parlé de la différence entre la sagesse ou la connaissance ordinaire et la sagesse ou la connaissance spéciale. Donc, Panya a deux catégories. D'abord, Panya tout court, sans le préfixe. Et puis Adipanya. Donc la première catégorie, les sciences ordinaires ou les connaissances ordinaires sont pour la plupart séculières et ressortissent du monde ordinaire. Mais même dans les enseignements bouddhistes, on trouve quelques connaissances qui relèvent elles aussi des connaissances mondaines. Par exemple, l'enseignement sur les causes et les effets. En pali, on dit kama sakata jnana. Donc kama, c'est l'action. Sakata, ça veut dire sa propre action. Et jnana, c'est la connaissance ou la compréhension. Donc la compréhension de la nature personnelle du kama. Et les adeptes bouddhistes devraient comprendre la loi du karma et de ses résultats. Ils devraient avoir cette compréhension de base du karma et des résultats du karma. Le karma, c'est un fait universel. Le karma et ses résultats, ce n'est pas une science qui est prouvée empiriquement, c'est une connaissance intuitive. On peut prendre l'exemple d'une personne qui est bienveillante envers les autres, qui aide volontiers les autres et qui évite de causer du tort ou de nuire aux autres. Et il va ensuite entreprendre une action ou bien une parole sur la base de ses états mentaux positifs. Et donc ces paroles, ces actes seront eux aussi bons en conséquence. Et en conséquence de cela, il va recueillir des résultats positifs dans cette vie-ci ou peut-être dans la vie prochaine ou les vies suivantes. En revanche, imaginons maintenant quelqu'un qui est habité par la colère, la haine, la jalousie et d'autres états mentaux négatifs. S'il se met à parler avec comme support ses états mentaux négatifs, s'il agit avec comme support ses états mentaux négatifs, les résultats seront négatifs eux aussi, et il devra pâtir des conséquences négatives dans cette vie ou dans les suivantes. Ça, c'est donc kama sakata jnana, et accepter cette loi, cette connaissance mondaine, c'est donc ce que doivent faire les laïcs bouddhistes ou les adeptes du bouddhisme. Et ça, ça ressortit aussi de sagesse ordinaire. Il y a donc beaucoup d'autres connaissances qui sont classées parmi les connaissances ordinaires, parmi les sagesses ordinaires. Et leur caractéristique, c'est qu'elles ne peuvent pas mener à l'atteinte de Nibbana. L'acceptation de la loi du karma aussi ne mène pas directement à l'atteinte de Nibbana, même si ça peut aider à mettre sur le bon chemin. À présent, Adipanya. Qu'est-ce que c'est la connaissance spéciale, la sagesse spéciale? En réalité, c'est la même chose que la connaissance de la vision pénétrante, vipassana jnana en pali. C'est-à-dire la connaissance qui procède comme résultat de la méditation vipassana, ou la connaissance qui est développée par la méditation vipassana. Ça, c'est descriptif. On peut aussi traduire vipassana jnana comme la connaissance de la vision pénétrante qui pénètre ou qui voit la véritable nature des phénomènes physiques et mentaux. Ça, c'est en quelque sorte l'objectif de Vipassana. Donc, il s'agit d'une sagesse non conventionnelle. Et cette sagesse non conventionnelle est en quelque sorte antithétique, opposée à la sagesse conventionnelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par conventionnel? Conventionnel, c'est des mots, des termes sur lesquels tout le monde est d'accord. Par exemple, le mot eau, en anglais water, c'est un terme conventionnel. Tout le monde s'accorde pour dire ce que ça désigne. Mais en termes scientifiques, on pourrait parler de H2O, c'est-à-dire une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Mais on voit ici que la compréhension scientifique et la compréhension ordinaire ne sont pas nécessairement opposées, ne se nient pas l'un l'autre. De la même façon, on parle de façon ordinaire, de façon conventionnelle, de moi, du mien, d'une personne, d'un homme, d'une femme. On doit utiliser ces termes, ils sont très utiles et ils sont acceptés de façon générale. Mais au niveau de l'enseignement analytique du Bouddha, une personne, c'est cinq composantes. Que ce soit un homme, une femme, une nonne, un moine, un millionnaire, etc. Toutes ces personnes sont essentiellement une construction de cinq agrégats. Donc, qu'est-ce que c'est les cinq agrégats? D'abord, il y a le corps physique, la matière, ce qu'on peut voir avec les yeux. Et ensuite, il y a le mental, l'élément spirituel, la conscience. On peut parler aussi simplement de deux constituants de base, plutôt que de cinq constituants de base, en disant simplement le corps et l'esprit, ou l'esprit et la matière. Là, on peut parler en termes de deux éléments. Mais on peut aussi parler en termes de cinq éléments, de cinq agrégats, en ajoutant à ces deux-là trois autres éléments mentaux, de catégorie mentale. Donc, sur la base du deuxième élément, quand on parle en termes de deux éléments, donc sur la base du mental, de l'élément spirituel ou de la conscience, trois autres éléments mentaux existent. D'abord, les ressentis, plaisants, déplaisants ou neutres. Ensuite, la mémoire. En général, on traduit cet agrégat-là par perception. Mais ici, Sayadaw utilise le terme mémoire. Et enfin, le conditionneur de l'esprit, qui comprend une variété d'états mentaux, la colère, la joie, la confusion, l'agitation, l'ignorance, etc. En pali, on dit sankhara. Sankhara, c'est-à-dire ce qui conditionne, le conditionneur. Parce qu'il conditionne l'esprit à être positif ou négatif. Donc je vais donner une petite métaphore. Prenez l'air, par exemple. Que se passe-t-il lorsqu'une mauvaise odeur se répand dans l'air? Quelqu'un pète, par exemple. Ça conditionne l'air. Ça rend l'air pourri, puant. À l'inverse, si la fragrance d'une fleur se répand, ça rend l'air agréable à sentir. Et de la même façon, les ressentis, les mémoires ou les conditionneurs, les sankharas, peuvent conditionner l'esprit à être positif ou négatif. Ceci, c'est clairement mentionné dans les Écritures. Donc, dans les Écritures, on dit que la colère, la foi, la haine, l'avarice, la joie, la compassion, etc., etc., ce sont des conditionneurs de l'esprit. Ils existent tous sur la base de l'esprit ou de la conscience. Un peu comme les rides sur la surface d'un lac. Ce ne sont jamais que les rides. Et les rides dépendent du lac lui-même. Donc les humains, les animaux, les êtres divins, tous sont constitués de ces cinq éléments, de ces cinq agrégats. Et le méditant devrait comprendre ce qui apparaît en lui, les ressentis, les souvenirs, les consciences, etc. Donc si on subdivise les êtres en deux parties, le corps et l'esprit, la conscience ou l'esprit est basée sur le corps physique. Et les trois autres agrégats, donc les ressentis, les souvenirs, la mémoire et les conditionneurs, les sankharas, sont basés sur la conscience. Si les méditants comprennent cette structure de base, il va devenir plus facile pour eux de comprendre la méditation vipassana. Et c'est aussi pour comprendre cette structure de base qu'on note systématiquement les ressentis agréables, désagréables qui apparaissent, les pensées, les souvenirs, etc., etc. Qu'a déclaré le Bouddha au sujet des individus? Il a déclaré que les individus étaient composés de 5 éléments. Le monde entier se divise en 2 choses. Il y a l'univers interne et l'univers externe. L'univers interne, ce sont les personnes, ce sont les êtres qui sont composés des 5 agrégats. Et ces êtres expérimentent à la fois le plaisir et la souffrance dans leur monde intérieur. Le monde, l'univers extérieur, quant à lui, n'est jamais qu'un facteur de soutien. On peut aussi parler de microcosme et de macrocosme. Le microcosme, c'est le lieu où chacun expérimente, ressent la souffrance, le plaisir ou la joie. Et pour trouver une paix durable, une personne doit explorer à l'intérieur d'elle-même, et en particulier avec la méditation vipassana. Lorsqu'une personne pratique la méditation vipassana, elle va développer les connaissances de la vision pénétrante et pourra pénétrer la réalité des phénomènes physiques et mentaux. Et cette connaissance va aussi lui permettre de traverser les situations bonnes ou mauvaises qui se présentent dans la vie sans souffrir mentalement comme les gens en général souffrent. Le Bouddha a déclaré pour lui-même « Je suis né dans le monde, j'ai vécu parmi les êtres humains, mais je n'ai pas souffert comme les autres êtres. » De la même façon, un lotus croît dans la boue, mais n'est jamais coincé, n'est jamais contaminé par la boue, par l'eau. Il se maintient à la surface sans être affecté. Je n'ai pas eu l'occasion de mentionner le détail des stades de connaissance vipassana au cours de mon exposé. J'espère que Sayado Utitsana pourra le faire au moment approprié. Mais quand le méditant réalise les stades de connaissance vipassana, il peut rester serein, il peut rester non affecté, non perturbé par les situations de la vie. Je pense que vous avez compris le but de l'exposé sur les 5 constituants, les 5 agrégats. Le but de la pratique de Vipassana, c'est de pouvoir gérer les souvenirs, les flashbacks, les ressentis douloureux, etc., qui apparaissent au cours de la méditation. Et quand on est capable de le faire, on n'est plus secoué, on ne ressent plus de souffrance face à ces situations. Et on développe un esprit fort qui est entraîné par la pratique de Vipassana. Vipassana n'est accessible que quand l'enseignement du Bouddha est disponible dans le monde. C'est une rare opportunité pour nous tous. J'apprécie que vous pratiquiez tous et que vous êtes en mesure d'apprécier la valeur de cette pratique, et que vous pratiquiez avec une attitude sérieuse et décontractée, et aussi avec persévérance, patience, et avec un effort pour effectuer une recherche. J'espère que vous pourrez progresser au cours de ce temps spécial. Sadhu, sadhu, sadhu. Vipassana meditation is only available in times when the Buddha's teachings are still known in the world. It's a very rare opportunity for all of us to have this chance to practice Vipassana meditation. And I really appreciate that all of you are practicing, that you appreciate Vipassana meditation and are trying to practice it with a serious but relaxed attitude. Serious and relaxed, I think. And then, with perseverance, patience, and searching so that you will get benefits in this very life. So I wish you all good progress in your practice during this special time. Oh, so.